l'actualité a mis sur le devant de la scène les parrains. Alors attention, non pas les parrains qui vous tiennent sur les fonts baptismaux, mais ceux de Medellin, c'est-à-dire les parrains de la drogue, les mafieux. C'est-à-dire en fait des chefs de bande, même si ces bandes sont très grandes et très organisées. Ce terme de parrain est passé dans l'usage courant et il a été tout à fait soutenu par les médias. Ce n'est pas si vieux qu'on pourrait le croire. En gros, ça date du début des années 70. Non que le mot n'ait pas existé chez les gens eux-mêmes, c'est-à-dire en particulier chez les brigands des mafias siciliennes ou italiennes, qui entre eux pouvaient s'appeler padrone, mais on ne disait pas un parrain. Al Capone, dans les années 30, n'était pas appelé un parrain par les gens qui étaient extérieurs à ce milieu. Ça date probablement d'un film qui a eu beaucoup de succès, qui était le film de Francis Ford Coppola, Le Parrain. Ça a aidé, hein. Ce qui a permis également d'enraciner le mot parrain dans ce sens-là, c'est qu'il évoque quand même l'idée d'une famille très structurée, où on se tient les coudes et où il y a un chef. Dans le même ordre d'idées, ou je dirais dans le même milieu, on pourrait trouver le caïd. Mais là, nous passons de l'étymologie latine, enfin latine sicilienne, à l'étymologie arabe, puisque c'est un mot qui, en Afrique du Nord, désignait un fonctionnaire musulman, mais qui servait d'intermédiaire entre l'administration française et la population. C'est un mot donc qui a pris ce sens-là dans le français colonial, avec une coloration assez péjorative. Ça devient un terme d'argot en 1900, le chef de bande. Et aujourd'hui, c'est tout à fait ironique. Ce n'est plus utilisé que dans des expressions comme « il se prend pour un caïd » ou « écoute mon vieux, arrête, ne joue pas les caïds, c'est narquois ». À une époque, on a pu parler des caïds de la finance et des caïds de textile pour désigner des industriels ou bien des hommes d'argent qui réussissaient très bien. Et aujourd'hui, le mot n'est plus employé dans ce sens-là. Non, il a complètement disparu. En revanche, on parlerait plus volontiers dans ce sens-là de mania. Qu'est-ce que c'est qu'un mania? C'est un mot qui nous vient, figurez-vous, du latin médiéval. Magnates, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait gardé un T à la fin. Eh bien, du latin médiéval, il était passé directement en Hongrie et en Pologne, où la chambre des manias était le nom qu'on donnait à la chambre des représentants de la haute noblesse. Ces nobles étaient réputés d'ailleurs pour leur goût du prestige et du faste. Et le mot a totalement changé de sens à la fin du 19e siècle, au début du 20e. On l'a appliqué, vous savez, à ces chefs d'entreprise qui étaient à la tête de véritables empires et particulièrement à des empires industriels, financiers, à des organismes de presse aux États-Unis. Ou sur Rockefeller, quoi, le mania. C'est l'image même du mania, c'est Rockefeller. En ce qui concerne les vrais manias et les manias imaginaires, eh bien, par exemple, c'est Citizen Kane. Vous souvenez-vous de ce beau film d'Orson Welles qui met en scène un mania de la presse, c'est-à-dire un patron qui a une entreprise de presse gigantesque et qui contrôle des dizaines de titres. En effet, il y a toujours l'idée d'un véritable empire, d'une richesse extraordinaire et la plupart du temps, d'ailleurs, d'un empire qui est international. Ainsi, Maxwell, c'est un mania. Je ne pense pas qu'on dirait la même chose de Monsieur Hersant. C'était Parler au quotidien, une coproduction du Centre national de documentation pédagogique et de Radio France Internationale.